Chapitre 4. Le flair de Prosper. L'explosion produisit une grande émotion dans le quartier. Du sol éventré sur un long parcours, jaillirent des flammes qui donnèrent l'illusion d'un formidable bol de punch. Les pompiers accoururent et commencèrent à attaquer le sinistre. Au moyen de sable, ils bouchèrent autant que possible les fissures par où le gaz s'échappait d'entre les pavés. Ils protégèrent les devantures des magasins que parfois les flammes venaient lécher et préservèrent les maisons de l'incendie. La crevasse la plus forte se trouvait non loin du croisement des rues Milton et Lamartine. Enfin, les employés du gaz parvinrent, après bien des recherches, à pouvoir fermer les conduites qui, ayant sauté, laissaient échapper ainsi le gaz que l'on voyait brûler. Pour tout le monde, ce fut un de ces accidents, sinon très fréquents, du moins assez normaux, attribués à une fuite de gaz amassé, selon l'expression technique, dans une poche sous terre et s'enflammant soudain pour une raison quelconque, variable, imprévue. Un court-circuit, l'approche de fils électriques ayant produit une étincelle, on ne sait quoi. Mais enfin l'enquête qui s'ouvrit ne vit rien de suspect dans cette explosion. Le rapport qui fut fait sur elle ne lui attribua pas sa véritable origine, que personne d'ailleurs ne pouvait soupçonner. Des terrassiers furent envoyés par le service de la voirie de la ville qui comblèrent les trous, les crevasses. On rétablit les conduites de gaz, de branchements électriques et les tuyaux des égouts. On remit en état le sous-sol et l'on refit par-dessus le pavé, sans que personne jamais eût l'idée de pousser plus loin l'enquête, de fouiller sous ses décombres, et de penser que cette explosion pouvait avoir une cause tout autre que celle qu'on lui attribuait généralement, qu'attestait le rapport officiel. Il ne pouvait d'ailleurs logiquement en être autrement. L'explosion était due, nous le savons, à une mine préparée par les faux monnayeurs, pour le cas où, comme ce soir, la police pénétrerait dans leur atelier. La mine était à demeure. Une batterie électrique la commandait, dont le chef avait la disposition et qu'il pouvait faire agir quand bon lui semblerait. Mais l'explosion, tout en étant extrêmement forte, n'avait pas donné de résultats assez grands pour qu'on ait pu découvrir sans erreur ce qu'il avait produit, c'est-à-dire une mine, non une simple explosion. En effet, par les portes ouvertes du souterrain, celles qui avaient permis aux faux monnayeurs de prendre la fuite, celles par où Prosper, Philippe et moi nous avions été projetés, le déplacement de l'air put se produire, qui atténua fortement la puissance de l'explosion. Le souterrain s'écroula en effet, mais comme il se trouvait profondément sous terre, les matériaux tombèrent en assez grande quantité pour le combler. Les ouvriers qui vinrent ensuite n'eurent pas à pénétrer sous ces décombres, mais simplement à consolider et à refaire en quelque sorte, par-dessus, le terrain sur lequel reposaient les divers tuyaux et les conduites passant à cet endroit. Le service des égouts, de la canalisation, inspecta en même temps les divers chemins souterrains se dirigeant sous les voies de la surface dans le même sens, et n'eut qu'à refaire le mur de soutènement de ces décombres que l'on se contenta de tasser, de refouler. Mais les portes, les issues des souterrains éboulés, ne furent pas découvertes, et tout fut remis en état sans qu'on pût s'apercevoir de quoi que ce soit. J'avais suivi avec intérêt ces travaux, me demandant si j'avais le droit de révéler à ces différents ingénieurs l'existence de ces souterrains par lesquels nous étions passés, mes amis et moi. Mais voyant qu'ils ne découvraient rien, me disant que par la suite, mon indiscrétion pouvait compromettre les recherches de Martin Numa et atténuer sa gloire au moment de la réussite, je me gardais bien de rien révéler de ce secret. Je me suis donc contenté de laisser faire administrativement ce que l'administration réclamait de ses agents. Pour bien comprendre comment il se faisait que les ingénieurs, les employés de l'administration, qui, quoique très administratifs, ne sont en réalité pas moins intelligents que les autres, n'avaient rien découvert, il faut nous rappeler que les souterrains dans lesquels les bandits établirent leur centre d'opération, leur usine et leur atelier, avaient été creusés probablement par eux, où étaient d'anciennes barrières du Paris d'autrefois, abandonnées, et que l'on croyait comblé. Les bandits avaient dû les déblayer pour leur usage. Par conséquent, tout cela échappait à l'enquête des ingénieurs. Nous savons en outre que ces souterrains se trouvaient bien plus bas que ceux existant encore aujourd'hui. Les bandits, admirablement outillés, comme ils l'avaient dit eux-mêmes, eurent ce talent d'établir des portes en acier soutenant une couche de ciment qu'ils rendaient absolument semblables aux murs dans lesquels elles se trouvaient, si bien que même Martin Numa, avec son flair merveilleux, ses yeux qui voyaient tout, son sens extraordinaire de divination auquel rien n'échappait, sa grande habitude de ses perquisitions, était passé bien souvent avec Philippe et Prosper devant ses portes sans les voir. Lorsque Prosper arriva la première fois au secours de son chef, ici il est bon de donner des explications de cette arrivée providentielle, lorsque, dis-je, Prosper arriva au secours de Martin Luma, il dut, lui, découvrir la porte donnant sur les escaliers menant au tombeau du roi des détectives. Il dut découvrir cette porte devant laquelle, bien souvent, il était passé avec son chef lui-même, sans jamais la soupçonner. Nous nous rappelons que Martin Luma était relié à Prosper par un fil électrique, par un système de télégraphie qui lui permettait et de recevoir une communication et d'envoyer ce qu'il voulait faire savoir. Martin Luma fut donc saisi par les bandits qui le guettaient et l'attendaient. Martin Luma, dis-je, eut cependant, grâce à son merveilleux sang-froid, le loisir, le moyen de correspondre avec Prosper tout en étant à terre, maintenu par les bandits. Au moment où l'on achevait de le ligoter, il avait, au moyen de secousses, pour ainsi dire de poitrine, d'aspiration plus violente, fait jouer son appareil électrique et envoyé à Prosper le signal de danger. Il n'avait pas ensuite besoin d'en dire davantage, et pendant qu'on l'emportait, il put renouveler son signal en faisant jouer les muscles de ses bras et en élargissant plus ou moins son thorax. Lorsque Prosper se précipita au secours de son chef, il pensa que ce serait perdre du temps que se mettre à enrouler le fil qui le reliait à Martin Luma. Il descendit donc aussitôt dans le souterrain, ayant mis le poste récepteur entre les mains d'un de ses agents. Il se précipita au secours de son chef, peut-être un peu trop vite, sans prendre assez de précautions. Il aurait dû suivre le fil qui le reliait, le garder dans la main et courir, comme s'il tenait le fil d'Ariane, pour se guider dans ce nouveau labyrinthe. Mais le fil lui échappa plusieurs fois de la main, et il ne s'attarda pas à le ramasser. Comme il ne connaissait à ce souterrain qu'un seul couloir, il crut ne pas pouvoir manquer son chef en allant tout droit. Sans plus s'occuper de ce fil conducteur, il courut droit devant lui. Cela explique le temps qui s'écoula entre la prise de Martin Luma et l'arrivée providentielle de Prosper. Il est évident que Prosper passa devant la porte en courant sans la voir, et qu'il laissa ainsi derrière lui son chef, alors que son intervention l'aurait sauvé plus tôt. Ce fut non seulement quand il eut la certitude que son chef n'avait pu être entraîné si loin, qu'il vit que la distance parcourue était trop grande, allait jusqu'à la rue Milton, qu'il comprit qu'il faisait erreur et qu'il était en défaut. Alors, pensant, ayant l'intuition que peut-être son chef était tombé dans une trappe ou dans un couloir secret, ayant été habitué à faire les pires conjectures, il revint sur ses pas pour établir la situation nette, reprendre du commencement et ne pas chercher au hasard. Tout en marchant, il traînait les pieds pour accrocher le fil délaissé tout d'abord et dont maintenant il espérait tant davantage. Il le retrouva coupé. Et ce qui restait en ses mains était le bout qui regagnait l'issue de la rue où se tenaient ses compagnons. Il ne pouvait donc lui être d'aucun secours pour la découverte de Martin Luma. Par deux fois déjà, le chef avait annoncé qu'il était en péril. « Il faut donc que le danger soit bien grand, se dit Prosper, pour que le chef m'avertisse ainsi. Réclame mon secours. Il faut donc, le plus tôt possible, que je le retrouve. Il faut que je le sauve. Mais comment? Comment retrouver Martin Luma ?» Puisqu'il avait parcouru tout le souterrain où il espérait le trouver et que Martin était invisible. Était-il tombé dans quelque crevasse inconnue qu'on avait pu découvrir? Ces hommes, cependant, sont très bien outillés, bien organisés, se dit Prosper. Il se peut qu'ils aient eu vent des recherches que nous faisions, qu'ils aient préparé un guet-apens, et que Martin Luma soit tombé dans leurs mains. S'il est entre leurs mains, arrêté par surprise, entraîné, mis dans l'impossibilité de fuir, peut-être assommé sur le coup. Où est-il? Où se trouve-t-il? Où ces hommes qui l'entraînent sont-ils cachés? Une chose le rassurait et lui donnait de l'espoir, c'est que si la surveillance du souterrain était organisée comme il le croyait par ces hommes, on devait savoir que Prosper en ce moment le parcourait. Prosper était le second de Martin Luma. Il était redoutable. Il pouvait accourir, sauver son chef. Il fallait donc, selon toute la logique possible, il fallait que Prosper partageât le même sort que son chef. Il fallait compléter la victoire en détruisant non seulement le chef, roi des détectives, mais encore son lieutenant. Et on laissait Prosper parcourir ainsi le souterrain, sans faire aucune tentative contre lui. Pourquoi ? Prosper, cependant, tout en marchant, l'âme inquiète, le cœur battant fort, cherchait avec anxiété la trace qu'il eût mise sur la véritable piste, ayant peur d'entendre un cri de douleur ou un appel suprême de Martin Numa, et cependant, le désirant pour se dévouer et faire son devoir. Il bouillait d'impatience et de rage d'être ainsi tout prêt à se sacrifier et de rester inutile à courir dans ce souterrain comme un rat ivre. Il courait dans ce souterrain, son ampoule électrique à la main, cherchant à taire une trace. Et tout à coup, il vit dans la boue, sur le sol gluant, comme une raie tracée par le passage d'un serpent. Prosper s'arrêta, se baissa, pour regarder cette trace, ce sillon menu laissé dans la glaise. « Il n'y a pas de serpent, cependant, ici, dit-il. Il n'y a pas d'animaux assez forts pour tracer une ligne pareille dans la boue, aussi profonde, aussi mince, aussi nette. Les rats, en courant, ne laissent pas de traces pareilles. Ils piétinent la terre. Ne font pas un sillon de ce genre. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que c'est ?» D'instinct, il se mit à suivre ce sillon qui apparaissait, disparaissait, pour reparaître encore selon la nature du sol, ou probablement un caprice qu'il ne s'expliquait pas. Il vit tout à coup que le sillon s'arrêtait net devant un pan de muraille. Prosper, alors, eut l'intuition que ce sillon avait été fait par le fil électrique qu'emportait avec lui Martin Numa et qui s'était coupé. Le fil, en se coupant, avait, par la force d'élasticité, fait un retrait en tire-bouchon, et les volutes de cuivre tirées en avant laissaient sur le sol la trace de leur passage. Prosper se dit que l'on ne traverse pas les murs si les murs sont massifs. Que, du moment qu'un fil de laiton avait pu se faufiler à ras du sol dans la muraille, c'est que cette muraille devait être mobile, jouer, s'ouvrir et donner passage au fil. Et pour donner passage au fil, pensa Prosper, j'entends donner passage à ceux qui emportaient Martin Numa, aux côtés de qui pendait ce fil. Alors il ne s'attarda pas une minute de plus devant cette paroi. Il y fit une marque avec de la terre glaise, une marque visible immédiatement, et il courut jusqu'au regard par où il était entré, donna de nouveaux ordres, s'arma d'un pic et revint au secours de Martin Numa, qui pour lui se trouvait de l'autre côté de cette muraille. C'est comme cela qu'il commença d'attaquer la porte donnant sur les marches au moment où Martin Numa, enfermé dans sa tombe, voyait l'eau monter, le gagner et la mort approcher. La course de Prosper à travers le souterrain n'était pas, on s'en doute, passée inaperçue. Un espion l'avait vu. Et quand Prosper, ayant relevé l'endroit où se trouvait la porte, était allé chercher son pic pour l'attaquer, l'espion était venu avertir ses compagnons, et nous savons quel effroi jeta parmi ces bandits l'annonce de l'arrivée du secours des hommes de Martin Numa.